Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 12 mars de quelle année ? De l'année 1930 et Gandhi en ce 12 mars entame sa célèbre marche du sel. À l'époque, l'Inde est sous domination britannique, ai-je besoin de vous le rappeler, et les Anglais imposent aux indigènes une taxe sur le sel. Ils interdisent sa récolte, c'est un monopole d'État bien entendu. Et jusqu'où Gandhi veut-il marcher ? Jusqu'à l'océan Indien. Il est fidèle à son idéal de désobéissance civile non violente. Vous savez, il décide de se rendre à titre symbolique jusqu'à la mer pour récolter un petit peu de sel contenu dans l'eau de mer. Plus fondamentalement, tout le monde a bien compris qu'il marche pour l'indépendance de l'Inde. Il est parti d'Ahmedabad, bien sûr, avec quelques dizaines de personnes. Il va faire 390 km comme ça, rejoint peu à peu par une foule impressionnante. Au bord de l'océan, le 6 avril, après 25 jours de marche, ce seront des milliers d'Indiens qui plongeront les mains dans l'eau avec le Mahatma. Et dites-moi, les Britanniques ne bronchent pas ? Ah ben vous imaginez bien que si, d'autant que Gandhi a été imité un peu partout en Inde, 60 000 sympathisants sont arrêtés d'un coup, et Gandhi, cette fois-là, va passer 9 mois en prison. Ça n'a servi à rien alors ? Si, disons que ça a été quand même une grande victoire. Le mouvement est d'une telle ampleur qu'il va contraindre la Grande-Bretagne à envisager une éventuelle indépendance de l'Inde, les Indes comme on disait à l'époque. Les libéraux invitent Gandhi à Londres pour en parler avec eux. Alors certes, la Seconde Guerre mondiale va retarder l'indépendance. Celle-ci n'arrivera finalement, vous le savez, qu'en 1947, à l'issue d'une terrible guerre indo-pakistanaise. Mais enfin ça nous entraînerait sur un autre terrain. Franck, on vous retrouve tout à l'heure sur un autre terrain, à 14h oui, sur Europe 1. En effet, nous consacrerons l'émission à un certain nombre de têtes brûlées de l'histoire, il y en a.